Galaxy Sound System avec un grand classique à l'instant, DJ Hooligan et son titre It's a Dream Song. Place au concours entre nous. Il y a trois semaines, j'avais envoyé un petit sample sur le site web de l'émission www.soundsystem.fr.fm. On avait organisé un petit concours. Le but du jeu, c'était simple: composer un morceau en utilisant le petit extrait que j'avais mis à disposition. 10 participants ont composé un morceau, bien sûr techno. Alors il y a dans tous les styles un peu de trance, il y a aussi des morceaux plus techno, hard techno, il y a de la house. On va s'écouter de la place numéro 10 à la place numéro 1, c'est-à-dire le gagnant tout au long de cette seconde partie. On commence tout de suite avec le 10e, il s'appelle Little Bray. On s'écoute une minute de